Et nous, on entame cette demi-heure avec Raymond Poirier, qui est chargé de communication à l'Institut Technologie de l'Information et Société. Oula, comme c'est long. Raymond, comment ça va ? Ça va très bien, toi ? Alors, aujourd'hui, tu nous parles du rapport Gautrin sur le gouvernement ouvert. Exactement, c'est un rapport qui était bien attendu. On avait parlé l'été dernier des consultations qui s'étaient amorcées, consultations publiques, consultations grand public, notamment sur le web, principalement même sur le web. Et l'idée était de voir de quelle manière le gouvernement du Québec pouvait intégrer le web 2.0 à son gouvernement. Donc, il y avait cette partie-là de rencontres, de réflexions communes sur le web. Il y avait aussi beaucoup de réflexions qui avaient été faites et de regards sur des initiatives qui était déjà en place au gouvernement du Québec en ce qui a trait au Web 2.0. Petite révision, évidemment, quand on parle de Web 2.0, c'est notamment tous les moyens de production de contenu, des chaînes YouTube, des comptes Twitter, Facebook également, donc tout ce qui relève des médias sociaux, également tout ce qui relève des sites web participatifs, entre autres. Et globalement, la philosophie de ce nouveau Web-là, c'est véritablement la participation des internautes plutôt que de simplement regarder un contenu qui est un peu plus, pourrait-on dire, statique. Et donc, dans cette perspective-là, le gouvernement du Québec, évidemment, s'est intéressé à voir de quelle manière il pouvait répondre à cette nouvelle réalité-là, dans un contexte où, on le sait, les Québécois vont de plus en plus sur Internet, utilisent de plus en plus l'Internet, où les jeunes, notamment, se sont appropriés ces outils-là et se les approprient également de plus en plus, où également les entreprises demandent ce type d'utilisation-là, ce type d'outils-là, et également dans un contexte où ailleurs à l'international, qu'on peut penser par exemple aux États-Unis, en Australie, au Royaume-Uni, au Canada, il y a également la Colombie-Britannique, donc où il y a d'autres États qui ont également commencé à intégrer, voire même qui sont assez avancés dans l'intégration d'outils 2.0 de ce type-là. Et tu me disais que la visée générale, c'est que c'était pas seulement un changement technologique. Non, exactement. En fait, c'est là un des points que je trouve particulièrement intéressant dans le contexte du rapport Gautrin. Donc, c'est qu'on souligne que c'est pas seulement donc une modification technologique à laquelle on va avoir droit, mais que ça va aller beaucoup plus loin. Donc, on reconnaît que d'intégrer des outils 2.0, c'est un changement aussi qui va nécessiter une part de changement dans l'organisation gouvernementale en tant que telle. Donc, l'administration publique va devoir adapter sa culture organisationnelle pour maximiser l'usage des technologies numériques et pour s'ajuster également à l'intégration de ces technologies-là. Et donc, en ce sens-là, ben, je pense que les gens, justement, de Gautrin, les gens qui ont produit ce rapport-là, eh ben, semblent avoir saisi les tenants et les aboutissants de cet impact-là et de cette intégration-là. Il faut dire que, quand on regarde là, de manière assez globale, tout ça a un peu trois points d'ancrage. Donc, l'idée de transparence qui revient beaucoup, donc l'idée que le gouvernement va agir de manière beaucoup plus publique, donc par extension beaucoup plus transparente, l'idée qu'on va renforcer les relations entre le gouvernement et la population, donc dans une notion de participation, de collaboration, et la notion de culture organisationnelle vient un peu aussi renforcer l'idée que ça va changer les rapports à l'interne entre les directions, entre les divisions, entre les services, entre les ministères. Donc vraiment, une mesure qu'on propose assez globale et qui aura plusieurs impacts. D'ailleurs, si tu le veux bien, on peut porter un regard un peu plus accentué sur les recommandations, justement, qui sont issues de ce rapport-là. J'en ai retenu quelques-unes. Alors, on va regarder notamment l'idée du gouvernement ouvert. Donc, cette idée on rend public, on rend disponible des données en format accessible à tous. Et donc, ces données-là, de la façon que ça fonctionne, et on le voit, en fait, on a un portail de données ouvertes à Québec, il y en a à Ottawa, il y en a au Royaume-Uni, il y en a un peu partout. Et donc, l'idée, c'est qu'on met ces données-là, qui sont des données non sensibles, et qu'on les rende disponibles à la population en général. Évidemment, dans la population en général, il n'y aura pas tout le monde qui va être intéressé à utiliser ce type de données-là, mais par contre, il va y avoir des développeurs, des citoyens qui ont envie, exemple, de développer des applications pour iPad, des applications pour téléphone intelligent, qui vont se servir de ces données-là. À Québec, l'exemple le plus frappant, c'est, ont rendu disponibles donc des données concernant les services culturels de la ville, et donc il y a un développeur qui a pris ces données-là et qui a créé une espèce d'agenda en temps réel qui intègre également l'idée de la géolocalisation pour rendre ces informations-là disponibles à la population dans une perspective où lui s'est dit, mais moi, je pense qu'il y aurait ce besoin-là pour ces données-là. Alors, selon les recommandations du rapport Gautrin pour le gouvernement 2.0, et on propose d'intégrer justement cette réalité-là, que le gouvernement du Québec, lui aussi, devienne un gouvernement ouvert. Donc, exemple, la recommandation 1, que le gouvernement divulgue progressivement, de manière proactive, sur un site unique, l'ensemble des données gouvernementales. Ces données devraient être disponibles dans des formats libres et compatibles avec des logiciels de traitement de données. Et on dit carrément aussi à la recommandation 4 que le premier ministre du Québec affirme dans une déclaration sa volonté d'orienter son gouvernement sur la voie du Web 2.0 et de faire de son gouvernement un gouvernement ouvert. Et à l'intérieur de ça, il y a une partie des recommandations aussi, Léa, qui vient chercher différentes approches, différentes manières de classer et de gérer aussi ces données ouvertes-là, donc les éléments de responsabilité, que ce soit notamment l'Institut de la Statistique du Québec, les Bibliothèques et Archives nationales du Québec, entre autres, qui seraient donc responsables de ces données-là. Et parallèlement, ben, les données, on les trouve donc sur le web, sur un site unique qui serait données.gouv.qc.ca. Donc ça, c'est le premier élément, un élément clé, on le devinera. Et à l'intérieur de, outre cela, en fait, il y a d'autres propositions qu'on intègre, notamment l'utilisation justement de ces données-là. On dit à la recommandation 12 que soient développés des incitatifs pour encourager une utilisation innovatrice et créatrice des données gouvernementales. Dans ce contexte-là, il y avait eu, exemple, à Québec, un hackathon, donc l'idée qu'on fait un concours de développeurs pour voir à l'utilisation de certaines de ces données-là. À Ottawa, c'est un concours qui s'est échelonné sur quelques mois pour inciter la population en général, que ce soit des étudiants, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des citoyens, tout simplement, à développer aussi des applications avec ce type de données-là. Alors, donc, ça, c'est un premier axe, donc, comme je le disais, bien intéressant. Il y a d'autres, évidemment, il y a d'autres éléments. Je mentionnais tout à l'heure l'idée de participation citoyenne. Il y a la recommandation 15, notamment, qui en parle, qui dit que les ministères et organismes, grâce aux outils du Web 2.0, conçoivent des espaces de débat autour de leurs grands projets pour permettre aux citoyens d'y participer, tant dans l'élaboration que dans la prise de décision, et que ces mécanismes fassent partie de leur déclaration de service aux citoyens. Donc, l'idée vraiment, autour des projets, d'avoir un espace sur le web, si c'est pas un espace qui existe déjà dans les médias sociaux, ben de créer un peu un média social, entre guillemets, gouvernemental, pour favoriser ce type d'échange-là. Peut-être un peu, dans le fond, dans l'esprit duquel la consultation même de Gautrin 2.0 s'est effectuée, donc où il y avait une plateforme ouverte, les gens pouvaient soumettre des idées, voter pour des idées qui leur paraissaient intéressantes, soumettre des propos, des réflexions en lien avec ces idées-là, donc quelque chose d'assez participatif qui a servi d'ailleurs au bout du compte de base à ce rapport-là, donc qui est un peu une démonstration de l'efficacité de ce type de méthode-là. Et parallèlement, ce qu'on souligne aussi, c'est qu'il faut évidemment créer d'autres sphères de dialogue, d'autres types d'outils pour favoriser la participation citoyenne, donc de voir de quelle manière les ministères peuvent également intégrer les outils 2.0. Donc ça, il y a évidemment quelques propositions en ce sens-là. Et on revient aussi à l'idée du réseau social interne que j'ai mentionné tout à l'heure, et ça, c'est la proposition 18. On dit que soit amélioré l'intranet gouvernemental pour y inclure un outil de collaboration du type réseau social qui permet des fonctionnalités comme le partage de documents, la stimulation du brassage d'idées, la bonification de l'information, les interactions entre employés de la fonction publique. Donc, essentiellement, ce qu'on se dit, c'est on ne spécifie pas la manière, évidemment, ça pourra peut-être utiliser des plateformes qui existent déjà ou des nouvelles plateformes, mais ce qu'on dit, c'est qu'il faudra donc utiliser ces technologies-là pour favoriser aussi non seulement un lien entre citoyens, mais un lien, comme je le disais, entre ministères. Donc, dans l'idée que ça puisse évidemment bonifier l'efficacité gouvernementale des liens entre ministères, le partage d'idées, le partage d'expertise aussi. Alors, c'est vraiment cette idée, justement, d'exploiter au maximum, ou du moins de tenter d'exploiter au maximum les données liées au Web 2.0. Évidemment, il y a des questions de sécurité qui sont soulignées là-dedans. On fait aussi référence à l'idée de fracture numérique, donc de pas laisser des gens à l'arrière, un peu des gens qui sont pas en mesure nécessairement d'utiliser pour différentes raisons le web. On parle notamment d'essayer de garder le coût d'accès à Internet et aux outils technologiques raisonnables, d'offrir des formations aux citoyens et citoyennes. Donc, plusieurs des idées là qui ressortent un peu de ce rapport-là. Et je reviens à l'élément que tu me lançais tout à l'heure, qui est énoncé d'ailleurs clairement à la recommandation 20. On dit que l'administration publique québécoise amorce un véritable changement de sa culture organisationnelle en encourageant le partage de l'information, la co-création de nouvelles connaissances et une plus grande responsabilisation des employés de l'État. Et l'étape suivante, c'est quoi? Toutes ces propositions, elles vont être votées, elles vont être mises en place, et ça se passe comment? Mais effectivement, en fait, il y a l'idée justement de faire peut-être des lois pour encadrer un peu ça. Donc ça sera discuté, on l'imagine et on l'espère, en chambre. Il y a certaines des propositions qui ont déjà commencé à être mises en place, notamment cette idée de gouvernement ouvert. Donc déjà, le portail données.gouv.qc.ca existe et normalement, d'ici un an, là, progressivement, il y a certains ministères, certaines directions qui vont y placer leur information. Et pour le reste, ben dans le fond, pour l'instant, c'est justement un rapport consultatif, un regard. Donc, ce sera intéressant de voir de quelle manière l'ensemble des recommandations ou certaines des recommandations vont être intégrées à l'offre gouvernementale, alors qu'elle devra, en fait, d'une manière ou d'une autre, se mettre à jour face aux attentes des citoyens. Et là-dessus, le rapport le reconnaît bien. Alors, on espère que ça va avoir, et par on, j'entends, le milieu technologique qui a répondu quand même assez favorablement à cette proposition-là. Donc, de se mettre à jour et donc on verra de quelle manière ça va se passer. Donc, le rapport était présenté, lui, en milieu de semaine dernière. Donc, déjà, on a eu les premières réactions. On va voir comment ça va progresser, mais donc, ça peut être le départ de quelque chose de bien intéressant là, comme évolution organisationnelle là, du côté du gouvernement du Québec. Eh bien, on suivra ça et puis sûrement avec toi parce qu'on rappelle que ta chronique, tu l'as fait tous les lundis. Et du coup, je rappelle quand même ton nom, c'était donc Raymond Poirier qui est chargé de communication à l'Institut Technologie de l'Information et Société. Tu travailles vraiment dans un truc avec un nom très long. Et Léa, d'ailleurs, si les gens veulent mettre la main sur le rapport en lui-même, eh bien sur le site de l'ITIS, itis.laval.ca, dans la colonne de gauche, il y a quelques liens là, qui vous permettront d'aller chercher le texte intégral du rapport là, ou sinon aller voir dans notre fil de nouvelles. Eh bien, merci beaucoup pour cette chronique. Ça me fait plaisir. Bye.